donc raconte, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des sons pour mec de la fac ou du Jackson? Va voyons, je vous ferai pas de dessin, je vais vous le dire avec les mots. Manier le micro, c'est mon destin, cette fois ce sera pas une démo. Je suis impatient, je devais attendre mais je vais céder. Je vais vous dire clairement ce que vous retrouverez sur ce putain de CD. C'est moi et mes kiffs, c'est moi et mes délires, c'est moi et mes vices. C'est moi quand je veux écrire et dire que j'ai failli douter, c'est ça le pire. Vieux, mais j'ai le soutien de ma estime des plus anciens ou plus type, un petit creux. Donc je viens prendre ma part du gâteau. Je mettrai mon platine dans une pièce montée de la taille d'un château. Un disque d'or, je prends aussi pour la concu, ça sent le roussi. Je vais me faire des ennemis par milliers tant que j'ai le public, y'a pas de soucis. Ce beau mal, c'est grâce à vous, putain, la force que vous aviez. Ma plume était au garde à vous, j'ai pu gratter autant de papiers. Dis, hey, la balle sort du canon, headshot sans hésiter. C'est inévitable, la flèche en direction de la cible ne peut plus dévier. C'est inévitable, oh. Vitable, c'est inévitable, oh. Vitable, c'est inévitable, oh. Vitable, ouais, atteindre mon but est inévitable. Quand t'as le bras du son pour faire kiffer les nanas, le genre des sons qui les meilleurs mais éveillent tous leurs chakras. Des sons qui te font verser des larmes, tandis que d'autres te donneront plutôt envie de prendre les armes. Et comme d'hab, j'oublie pas mes otaku. Un morceau leur est dédié, un medley de mes meilleurs jutsu. J'dis que des vérités comme soumis à du jujitsu. Des punchlines trop épicées devant moi, le rap game se chie dessus. Oh. Y'aura des sons chantés, y'aura des sons pour aller danser. Y'aura du rap, y'aura de la trappe, y'aura des sons pour faire penser. Le niveau du rap, je viens compenser, il va falloir me récompenser. Ouais, le niveau est trop haut, on dirait que j'rappe depuis le mont Everest. Sincère, hors pair, t'as fait, pareil.